Je m'appelle Michel Forst et je suis le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Et je défends les droits de l'homme par conviction, d'une part, et aussi par nécessité, parce que je pense que plus on sera nombreux à défendre les droits humains, plus le résultat sera efficace. Hein. Et ça me semble extrêmement important que chacun, à un moment ou à un autre, puisse s'engager personnellement à défendre les droits humains. Il n'y a pas une motivation très, très personnelle, mais plutôt un engagement d'une vie entière qui a été consacrée d'abord à l'extrême pauvreté, ensuite aux personnes vivant en situation difficile, puis ensuite un profond engagement avec Amnesty International. J'ai ensuite été bien évidemment très, très motivé par le travail que j'ai fait comme rapporteur spécial, d'abord sur la situation des droits de l'homme en Haïti, et ensuite avec ce nouveau mandat que j'occupe à l'heure actuelle, qui est un mandat sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Et je dois dire que chaque fois que je voyage dans un pays, et je fais de nombreuses missions, je rencontre au quotidien un grand nombre de défenseurs. Je suis extrêmement motivé par ces rencontres, souvent énergisé par les rencontres, souvent très, très ému par des rencontres individuelles. Et chaque fois, ça me donne envie d'aller un peu plus loin et d'essayer de tester les limites du mandat pour être sûr que le travail que je fais est effectif pour assurer la protection des défenseurs. Je rencontre bien évidemment des États d'abord, mais aussi d'autres acteurs, notamment des entreprises, et j'essaie maintenant d'avoir une palette d'actions la plus large possible pour être efficace sur la protection des défenseurs.